On se met dedans direct, Tonaï. Allez. Bonjour, Tonaï. Comment vas-tu, Jack? Eh ben, écoute, ça va. C'est fou, j'ai l'impression que on peut passer pas mal de journées sans trop se demander comment ça va. Ouais. Et dans une même journée, se le dire plusieurs fois. Ouais, c'est fou, ça. T'as pas cette impression-là? J'ai cette impression-là, oui, c'est alors vrai. Alors que bon, c'est un truc de malade. Est-ce qu'on commencerait pas directement une petite rétro-chronique? Après. Bah, on... pose la question, j'ai envie de te répondre. Allons-y. Non, mais je veux pas non plus. Pas aller trop vite. Tu veux me laisser du temps pour réfléchir? Non, c'est pas ça. C'est, je voudrais que tu sois. C'est pas réfléchir, c'est plus que tu le sentes bien. Ah toi, oui, d'accord. Toi, après, ça dépend de quel groupe on va parler, hein. Ah ouais? Ah, il y en a certains, c'est moins que d'autres. Peut-être. Ok, ça peut s'entendre. Eh ben, écoute, pendant que tu bois un verre d'eau, je te propose de faire un générique. Oh ouais. Oh là là là là là là là. Mais qu'est-ce que je pourrais bien faire? Oh bah, je sais pas. Fais-nous rêver. Bim bam bin do wa. Bim bam bin do wa. Bim bam bin do wa. Heureusement que les gens ne payent pas pour ça. Allez, générique. Tu tapes le fer. Il en fait un. Ah merde. Il va m'en refaire un. Non, mais ça avait l'air d'être une proposition, alors j'ai foncé tête baissée. Ah oui, c'est toi, il n'y a rien qui t'arrête, c'est ça qui est bien. Allez, générique. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un groupe. Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est un peu un groupe maudit pour moi. Ah, je m'explique. J'ai découvert ce groupe par hasard. Hein, ça va, j'ai contextualisé, mais que pour toi. Il y a vraiment que D'accord. toi qui va comprendre. Okay. C'était un jeudi matin où j'allais chercher une saucisse. D'accord, je vois. Voilà, tu vois pourquoi. Alors, juste, j'ai essayé de contextualiser pour les gens. C'est en fait là où j'habite. Entre, pile poil, on va dire, entre mi-chemin, entre là où j'habite et Tonaï. Le jeudi, il y avait un petit marché vraiment et il y avait un grilleur. Il y a toujours, hein. Oh bah non, il y a quasiment plus rien aussi. Ah bon? Il fait plus les saucisses? Ah si, il y en a, mais elles sont pas bonnes. Ah bon? Il a changé de... Ah oui, j'y vais plus. Merde. Moi, j'y vais plus. Et donc, je me souviens être tombé par hasard sur ce groupe sur Spotify et d'avoir fait putain, mais j'aime trop. Qu'est-ce que j'écoute? Et je ne sais même plus comment je suis tombé dessus, mais j'ai adoré. J'ai tout de suite envoyé un message à Bob en disant, mais Bob, ça, c'est pour toi. C'est pour toi. Il m'a fait, non, mais je connais déjà. Je fais, bah oui, je suis trop con. Bah oui. Donc, tu sais de qui on va. Tu partages les bons plans. Donc, tu sais de qui on va parler? Ah, ça se pourrait bien qu'on parle de Russian Circle. Exactement. Sachez que Tonaï fait de l'air guitare pendant que je passe ça. C'était du air batterie, mec. Pardon, oui, en plus, j'ai... Ah, putain, wow. Non, mais attends. C'est fou parce que moi, j'ai fait de l'air guitare et je voulais dire que tu fais de l'air batterie, mais j'ai tellement un ego de malade qu'il a fallu que je ramène quand même. Ah, oui, c'était d'accord. De l'air batterie. Excuse-moi, Tonaï. C'est bizarre, la guitare. En même temps, tu sais pas jouer la guitare, tu pourrais en jouer comme ça. Oh. Quoi? J'en ai déjà joué, hein. Ah ouais? Déjà, je sais que tu peux, moi, je tiens le manche comme ça. Et je gratte de la main. En même temps, tu voudrais le tenir comment le manche? Non, mais c'est juste, bah, quelqu'un qui sait pas du tout, il fait, hein, qu'est-ce que c'est? Comment on fait? Tu vois? Ah, ok, ouais, c'est quand même quelqu'un qui a jamais vu non plus quelqu'un tenir une guitare. Ça se peut, hein. Ouais, bref. Donc, on va parler d'un groupe américain. Ah de, bon? Ouais, de. Ah ouais, j'aurais pas cru. De post-metal, rock-metal, mais surtout rock instrumental. Oh oui. Parce que la particularité de Russian Circle, c'est qu'il n'y a pas de chanteur. C'est ça que j'aime. Ah, c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime tous d'ailleurs. Et l'autre particularité, c'est... enfin l'autre particularité, c'est pas vraiment une particularité, mais c'est de se dire qu'ils sont venus au Hellfest en 2015 et ils viennent en 2025. C'est seulement la deuxième fois. Ouais. Mmh. Et c'était il y a 10 ans. D'accord. Et moi, le 2015, c'était mon premier Hellfest. Et comme au premier Hellfest, j'ai pas trop creusé. Et qu'étonnamment, Bob ne m'a pas emmené les voir non plus. Mais ouais. Alors il a ça... voulu se le garder pour non, lui. Non, je pense à ce truc, il connaissait pas à ce moment-là où il a pas capté, mais c'est vrai que. Ah ouais. Ou alors je les ai vus, je m'en souviens pas, mais je crois pas. Ou alors, non, maintenant je suis con, ou alors il y avait autre chose en face. Je vais checker pendant que. Ça m'étonnerait. Ah bon? Ça m'étonnerait. Bah, que tu sois con, je veux dire. Bah non, mais je connaissais pas. Donc peut-être que j'avais été voir un autre truc à ce moment-là. Ah ouais? Parce que, genre, c'est... imagine, il y avait un Slipknot ou une connerie. Ah oui. Ah, tu vois. En face de Russian Circle? En 2015? Ah, c'est possible, hein. Ça, on en sait. Il a été créé en quelle année, t'as dit? Si tu l'as dit. Je l'ai pas dit. Ah, tu l'as pas dit. Je l'ai pas dit, j'y arrivais. Ils sont créés en 2004. Donc, c'est un trio. Au début, ils ont commencé, en fait, il y avait les deux musiciens, Mike Sullivan, le guitariste, et le bassiste, Colin. Vers la fin 2004, ils faisaient déjà partie d'un autre groupe instrumental, Dakota Dakota. Et ils sont séparés. Ils ont recruté Dave à la batterie. Et le bassiste Colin, il est parti. À un moment donné, pour faire des choses, je suppose, parce que c'est annoncé qu'il avait des différends, donc c'est un peu vague. Ah. Et donc là, ils ont recruté Brian Cook pour jouer le bassiste sur leur album. Parce que attends, si je dis pas de conneries, en fait, le premier bassiste était là sur le premier album. Ouais. Et il est parti après, et c'est sur le deuxième album qu'est arrivé le deuxième. Au total, ils en ont 8 albums hein, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2016, ouais. 2019 et 2022. Parce que si on en croit les maths, normalement, on devrait en avoir un cette année. Logiquement. Ah, parce que oui. 2006, 2008, 2009, ouais, toi, c'est pour ça que je donne les chiffres, c'est pas juste pour être. Et donc, ils reviennent pour la deuxième fois. Je ne les ai pas vus en 2015, donc déjà, bon, je suis un peu dégoûté. Mais surtout, je ne les ai pas vus en 2023 quand nous avons été au Motok. Et pourtant, c'était sur ma liste. Et là, Tena, il tombe des nues. Et là, je m'en doutais qu'il tombe des nues. Attends. Je vais te rappeler ça à la mémoire. Et là, tu vas être dégoûté. Attends. Vigilant sur ce coup-là. Ah, si, tu vois, c'était rigolo. Et Russian Circle, il passe en plus en tête d'affiche, là, au Hellfest. Ouais. Valais. Ok. Je te rappelle vite fait ce qui s'est passé. Mm-hmm. Parce que du coup, ça fait perdre du temps, mais c'est pas grave. On était parti au Motok. On avait chacun un peu sa liste de groupe. Moi, c'était ma liste de groupe que je voulais voir. Ils sont passés en fin d'après-midi sous une des tentes. Et en fait, rappelle-toi bien, nous, on était devant la tente en train de parler avec Nico. Ah d'accord, ah, c'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là, et moi je les entendais au loin, d'accord. Et j'ai dit, bon allez, je sacrifie Russian Circle parce que Nico était trop sympa. On s'excuse, je m'excuse moi-même mais... de pas avoir vu Russian Circle. Ouais, mais vraiment, alors je vais pas dire que je suis pas dégoûté d'avoir été Russian Circle, mais j'ai favorisé le moment parce qu'on passait un trop bon moment à discuter, donc voilà, mais on aurait d'accord, pu les voir à ce moment. Mieux. Ouais. D'accord. Mais je suis donc dégoûté de les avoir manqués parce que depuis que j'ai découvert ce groupe, en allant acheter une saucisse, je n'ai jamais arrêté d'aimer ce groupe. Je trouve toujours ça fort d'arriver à faire un groupe sans chanteur parce qu'il faut être capable de remplir cette espèce d'espace de vide. Tu sais, des fois, t'écoutes des morceaux où il y a un chanteur et il y a une plage où le mec chante pas et tu dis, ah putain, il laisse un peu respirer. Et tu dis, mais c'est bizarre, ça sonne bizarrement sans le chanteur. Tu sais, il manque un truc. Alors que eux ne font que ça parce qu'ils ont réussi à remplir tous les espaces vides, laisser respirer quand il faut et venir t'amener quelque chose de complètement fou parce qu'en plus, ce qui est fort dans ce qu'ils proposent musicalement, c'est que c'est toujours bien. C'est original, les riffs sont trop forts. Enfin, je sais pas, c'est un truc de fou, ça marche à tous les coups. Moi, Russian Circle, c'est vraiment un putain. J'ai rien acheté de ce groupe. Je trouve. En plus, c'est un groupe qui marche bien. Comment ça, t'as rien acheté? Ouais, c'est vrai. En plus, j'ai rien acheté et je n'ai rien à jeter. non, j'ai vraiment trop aimé. Alors, en termes d'histoire, de ce qu'on pourrait apprendre, en fait, c'est principalement basé sur le guitariste qui est en fait un mec qui est fan de sons et d'instruments et qui fait beaucoup de tests et de machin. D'ailleurs, en parlant de ça, ils se sont fait voler à un moment donné tout leur matos qui était dans une camionnette devant un Holiday Inn. Ils avaient plus rien. Et grâce aux gens, ils ont été vachement aidés. Il y a même des marques d'ampli qui ont dit « Ouais, on a vu votre aventure sur les réseaux. Tenez, on va vous aider. Vous avez besoin de quoi ?» Et en fait, depuis, les gars, ils sont associés en mode « Bah, je prends ces amplis-là. » Puis ils ont eu pas mal d'argent aidé par les gens qui les soutiennent, qui se sont fait soutenir. Et la police a retrouvé pas mal de trucs. Ok, d'accord. Genre, en fait, dans l'enquête, ça a amené chez des dealers de drogue et chez des machins. Ils ont retrouvé des instruments, des machins. Okay. Donc, voilà. Le bordel. Mais ce qui est marrant, c'est que ils l'ont pas bien vécu, mais ils l'ont pas si mal vécu. En fait, parce que du coup, ça leur a permis aussi de se renouveler d'une autre façon. Tu vois, un peu exactement comme, par exemple, parce que là, je vois que le temps passe et je voudrais pas que ça dure des heures. Mais, en gros, la pandémie, d'habitude, ils avaient l'habitude en fait, ils arrivaient, ils avaient toujours chacun une bande de riffs ou de trucs, ils se retrouvaient ensemble, ils faisaient des jams, ils faisaient des buffs, ils testaient, et ils cherchaient le meilleur moyen de sortir. Et en fait, la pandémie a changé leur dynamique de travail, ce qui fait qu'ils se sont rendus compte, enfin, c'est encore une fois, c'était le guitariste qui parle. Peut-être que de travailler chacun et de se retrouver après, peut-être. C'était un peu ça, en fait, le gars, il s'est dit, j'avais rien d'autre à faire de mes journées, j'ai passé mon temps à essayer des trucs, et il dit, j'ai pas arrêté d'imaginer quelle partie mes collègues ramèneraient sur le morceau. Ils se connaissent tellement bien. Voilà, un peu un truc comme ça. Et en fait, à chaque fois, après, lui, il dit, moi, j'ai lancé une boucle de batterie dans mon enregistreur, là. Après, moi, j'essaie de trouver des trucs par-dessus. Et une fois que la démo était prête, je l'ai envoyé à mon batteur. Le batteur, lui, il crée un truc, il dit, et il venait le sublimer un milliard de fois. D'accord. Et en fait, c'est ce qu'a donné. Et c'est ce qu'a donné lieu, en fait, au dernier album en date sorti en 2022. À savoir, tiens, je l'ai sous la main, il est là, ce con. À savoir, Gnosis, qui est vraiment l'album, en fait, il était prêt bien avant qu'il sorte. Mais ça a mis le temps parce que la pandémie avait tout, voilà, a tout un peu retiré et bah il est sorti bien après, ce qui fait que là techniquement ils ont déjà plein de matos d'avance parce qu'ils en avaient beaucoup préparé. Okay. Mais ça, la pandémie, eux, leur a été bénéfique de cette façon-là, de changer leur manière de faire et de trouver quelque chose de bien. D'accord. Et en plus, il y en a pour beaucoup. Gnosis, c'est un album qui est un peu plus lourd, un peu plus brut que le reste de leur discographie. Okay, okay. Petit truc assez amusant, le morceau de l'album Empress, Neadek, a été repris par NBC Sport pour leur campagne de printemps 2014. Et il était si populaire que le réseau a chargé Sullivan, donc le guitariste, et le groupe de créer de la musique originale pour les saisons futures. NBC. Ah d'accord, okay, NBC ouais, Sport. Okay, okay, okay. Et, il a aussi prêté ses talents de guitare à l'album révolutionnaire de 2015, Abyss, de Chelsea Wolfe. Ah oui, d'accord. Tellement il est le gars est un peu partout. Okay, okay. Mais ils ont fait un petit morceau. Oui aussi, ouais. Chez Sivo, c'est venu aussi sur. Ouais. Donc ouais, c'est en fait il y a plein de trucs qu'on pourrait dire, mais il y a tellement à dire sur ce groupe que bah c'est un peu comme Ishan ou même comme Rifus, c'est qu'il y a trop ouais, à dire. Super riche. Mais j'ai même pas une seule seconde d'hésitation. Je sais que t'as adoré, donc mais dis-moi quand même ce que t'en as pensé. Bah post-metal, moi de toute façon c'est clair que je rentre dedans. Pas de chanteur. Moi je trouve que c'est encore mieux. Moi je kiffe déjà que ce son là il est vraiment il est créé pour te faire voilà rentrer dans un univers Tu vas dire fermer les yeux toi. Oh bah je l'ai pas dit. Putain. Bah non mais on est que tous les deux donc je sais que toi tu ne fermes pas les yeux. Je ne le dis pas. Pour dormir seulement. Mmh. Et ben tu sais que la musique quand tu fermes les yeux ben tu t'endors pas mais tu t'évades quelque part. Ouais, en tout cas, Ocean Circle, pour t'évader, c'est parfait. Et alors moi, c'est donc je découvrais. Mm-hmm. J'ai déjà dû entendre un petit peu. Bah t'as fait une playlist pour le Motog, donc peut-être que t'as mis dedans. Ah, je sais plus, peut-être. Faudrait que je jette un œil sur cette playlist, ça se trouve. Mais ça m'étonne quand même parce que je te dis, j'ai dû survoler et peut-être écouter comme ça un petit peu au fil de. Bref, en tout cas, j'ai adoré, tu te doutes bien. Bah oui. J'ai surkiffé. Évidemment même. Que je m'adore. J'ai tout aimé. Après, c'est vrai que j'ai, tu vois, c'est le genre de son que tu vois, parce que bon, tu sais un peu, je suis très occupé à la maison. C'est vraiment au travail que je peux des fois écouter pendant des heures comme ça. Mmh. Et Russian Circle, si j'avais pu continuer des heures et des heures, hein. Sans m'arrêter. Et le problème, c'est qu'au travail, je suis obligé de garder les yeux ouverts, sinon je me blesse. Ouais. C'est chiant. Donc c'est un peu chiant. Mais ça, c'est... Non, mais ça, c'est des problématiques, on n'en parle pas assez, ouais. Tu vois. Mais ça m'apprend à rêver les yeux ouverts. Et avec Russian Circle, ça marche vachement. Mais en tout cas, musicalement, ouais, c'est super intelligent. Tu sens qu'il y a de la recherche pour t'emmener toujours plus loin. Moi, je suis toujours surpris des changements. À chaque fois, c'est le truc où je m'attends pas. Moi, je suis ouais, putain. Ouais. Mais après, d'un album à un autre, après, c'est attention. Je suis pas assez. Je suis pas encore. Comment dire assez. Tu vois, par exemple, dans le post-metal, je pourrais peut-être mettre plusieurs groupes de post-metal. Russian Circle, je sais pas encore si j'arriverai, tu vois, à bien le cataloguer, à bien le différencier, tu sais, parce que le post-metal, c'est. Mais tu sais que eux souvent... n'aiment pas se faire appeler post-metal. Hein. D'accord. Non, ils aiment non, pas. Mais... Ok. Parce que, mais je comprends, en fait, ça fait partie de ces groupes-là qui sont. En fait, c'est comme on l'a déjà dit plusieurs fois, mais en fait, on dit post-metal, c'est pour donner une direction. Ouais. Après, dites-vous que ça se limite pas que à ça, quoi. Donc, non, il utilise plein d'éléments de plein de styles différents, mais ouais, non, en tout cas, c'est un groupe que je, parce que j'en ai écouté, j'en ai bouffé pas mal, hein. Je pense pas que j'ai encore tout écouté parce que il y en a quand même pas mal. Mais, ouais, c'est un groupe que, un peu comme Ishan que, voilà, que j'ai écouté, réécouté et essayé d'approfondir un petit peu les écoutes. Ouais. Justement, pour aller chercher un petit peu dans le détail, tout ce qu'on veut nous apporter en fait parce que j'imagine que c'est ça. En plus c'est vraiment le but de ce style de musique là c'est voilà de transmettre un truc de t'emmener quelque part ou alors ah bah là il y a pas de paroles il y a pas de chant donc c'est carrément. Forcément voilà c'est à l'intérieur que c'est ça se passe. C'est un peu comme un tableau tu sais t'as envie de ressentir qu'est-ce que le groupe ressent vers où il veut t'amener tu sais Et puis ce qui est cool, c'est que c'est le genre de morceau où tu peux l'écouter une fois, deux fois, trois fois et jamais peindre le même truc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois. Mais c'est ça que je kiffe dans ce style-là, de toute façon. Mais il faut pas se mentir, hein, c'est vraiment le côté un peu lourd et intense que j'aime aussi, tu vois. Ouais. C'est pas complètement, c'est loin d'être dépressif ou là. Bah non, justement, parce que ils sont capables de venir ramener des respirations comme il faut au bon moment, quoi. Ouais, c'est aérien quand même. Non, mais pour ça que je disais tout à l'heure quand je disais que j'avais rien acheté, c'est que vraiment, je suis à fond dans la proposition, quoi. Tout marche. Ah ouais. Et un petit fun fact, je sais pas si tu savais, parce que aux États-Unis, c'est quand même un gros groupe, en fait. C'est le groupe numéro un post-metal. C'est-à-dire qu'ils sont en tournée, ils tournent avec System of a Down et Korn. Ils sont dans leur première partie, tu vois. Ok. Donc, mais imagine la gueule de la soirée, quoi. System of a Down, Korn, et comment, les mecs qui connaissent pas Russian Circle, ils font. What? Parce que apparemment ils avaient l'air de, ils en parlaient le guitariste en disant même Jonathan Davis avait l'air d'être sur le côté en disant mais quoi, mais ils ont même pas de chanteur, c'est quoi ce bordel. Non, c'est vrai que ça peut faire on n'est pas du tout dans le même délire, quoi. Donc c'est vrai que quand Korn ou System arrive derrière, bon allez, c'est bon, vous avez bien dormi maintenant, vous rêvez. Non, vous êtes plané là. On est là. Allez. Donc du coup prochaine Circle. Oh bah pareil, un grand immanquable. Allez, un immanquable. Et kiffer devant. Non, c'est une tuerie. Moi je kiffe trop ce style là. Bah je comprends. C'était gagné d'avance. Bah je comprends. Écoute, merci beaucoup Tonai. Bah merci à toi. Non, mais pour toutes ces découvertes. Non, ça me fait plaisir, mais vraiment je tu sais, maintenant je choisis les groupes en fonction, en me disant ça ira un petit truc à découvrir, ça ira un petit truc. Tu vois, j'essaye de t'emmener vers des trucs. Ah, pas tout le temps. Pas tout le temps. Bah si, je t'emmène tout le temps vers des trucs, ça marche peut-être pas toujours. Mais il y en a, je dis, ça peut être... Ok. Ça, on verra dans les prochains. On verra. Allez, salut Tonai. Ciao.